Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est le moment de votre consultation du samedi. La journée fut bonne, on va débuter par la découverte. Aujourd'hui, Dayton et son titre Eyes on You, sorti en 1980. Le groupe, comme son nom l'indique, s'est formé à Dayton dans l'Ohio. Ils ont sorti 5 albums durant la première partie des années 80. Eyes on You est leur premier tube. Ils ont fait aussi la première partie de Quincy Jones lors de sa tournée au début des années 80. Le groupe va se séparer en 1985. Allez, c'est parti pour l'écoute! You feel Alors, pas de rubrique des 100 hits aujourd'hui, mais un hommage à une grande chanteuse qui nous a quittés le 24 mai dernier. Je veux parler de Tina Turner. Je ne pouvais pas, dans une émission de musique comme la mienne, ne pas diffuser un de ses titres. Je vais quand même essayer de me différencier des autres en ne vous diffusant pas Simply the Best, ni Golden Eyes, ni We Don't Need Another Hero, extrait de la bande originale de Mad Max 3. Alors là, je vais vous prendre un extrait de son album sorti en 1984, Private Dancer, et le titre, ça sera Let's Stay Together. C'est aussi une reprise d'un tube d'Algero qui était à l'origine sorti en 1972. Alors, pour l'anecdote, le président Obama chantera la chanson, bien sûr, a cappella, lors d'un discours pour la présidentielle de 2012. Allez, c'est pour toi, Tina. Let me say the sins, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Oh! Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. La phase B d'aujourd'hui va être pour le groupe Earth, Wind and Fire. Le single Can't Let Go, sorti en 1979, a pour phase B Love Music. La phase A atteint la 12e place des charts anglais et 31e place en Allemagne. Alors, autant dire que pour un groupe de cette envergure, il s'agit d'un résultat inhabituel, voire médiocre. La phase B est déjà apparue sur la compilation, sortie en 1978. Alors, c'est un titre qui mérite d'être un peu connu et que je vais me charger de vous faire découvrir. We'll be right back. Alors, pour le maxi, on va s'écouter un petit Oliver Cheatham. Sorti en 1988 et issu de l'album Go For It, Celebrate va vous faire retomber dans le son des années 80. Bon, inutile de vous présenter ce chanteur connu de tous. Ce que vous attendez tous, c'est ce tube. Je dois quand même vous dire qu'il s'agit d'un dernier tube sorti de la star. Alors, quand je passe un Oliver Cheatham, je me dois obligatoirement de le dédicacer à ce bon vieux Gax retraité devant l'éternel. Allez, c'était en 1988 et ça donnait ça. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. On approche de la fin, mais je vous ai quand même concocté une pépite. Luther Vandross et son titre I Will Let You Slide, issu de son troisième album Busy Body. Sorti en 1983, le titre atteindra la troisième place des hits US. La chanson est écrite et produite par lui-même, comme quoi le talent n'a pas de limite. On les franchit tout de suite en écoutant son titre. C'est déjà la fin. J'ai comme toujours été ravi de passer ce moment avec vous. Alors je vous dis bonne soirée, bonne semaine et à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.